transe des vivants par Eric Arasim. En quête de celui qui, un beau jour, nomme le réel, capte le présent. Prédation sauvage de ces moments délicieux de paisible désordre. Dans l'intervalle, l'interstice de la roche gravée, les forces s'affirment. Entendre ces moments de pénombre, c'est ce qui est troublant, l'effet des mondes béants, chamaniques. Besoin de comprendre, concrète énigme de l'Erectus, dans l'émergence des sources vives, là-bas, sous l'atelier obscur, Vulcain forge ses opinions, occupe les espaces vacants de nos esprits attentifs. Il s'autorise une petite digression. C'est l'essentiel, la survie du feu, do it yourself, à l'âge du fer. La bête s'affirme, elle se cabre sur les parois de flammes, suffoquant des vapeurs de pigments et de braises, percée des cornes de l'auroch endiablé, par les chants envoûtants des larynx osseux. Se déploie alors la fresque promise, ce cortège zoomorphe aux chairs atrophiées des malnutritions saisonnières et des transhumances forcées. La quête des herbages pour combler les panses des bovins esquissés par la poudre de charbon. Ces ombres devenues pierres, lueurs, dessins, surgissent des avennes comblées par les concrétions ornementales et les fosses chancelantes, découvertes à la lueur des périodes glaciaires, des corps en transe, ossements offerts à la Vénus de granit, enrobée des graisses consumées par les hommes. Je me noie, tu te noies, nous nous noyons, non pas dans une rivière, ni dans la Vézère, mais dans l'histoire du monde. Terrible chute, vertigineuse. Malgré cela, je me noie, tu te noies, dans un flot de paroles, terrible prétention. Je respire les phrases qui te font suffoquer, bégayer, à en perdre notre langue natale. Je m'en mitoufle dans un sac de mots. Terrible asphyxie, dyslexie à ne plus rien y comprendre, car la poésie est une transe, un puits sans fin et sans fond. Nous emporte, nous envoûte, dans un tourbillon animiste, brouille nos certitudes, embrouille nos syntaxes, nous aspire corps et âme dans l'abîme du verbe, pour nous inviter tout de même à remonter, émerger, et contempler différemment la surface des choses. Parfois, un sinistre baptême, une renaissance de l'écoute, empathie pour le visible ressenti, autrement. Ici se termine « Transe des vivants » par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Enregistré par Christiane Johan sous licence CC BY NC ND. Ici se terminent les chants phonatoires par Eric Arasim.